Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, depuis ce vendredi en visite de 3 jours en Tanzanie, il devrait lancer dans ce voisin de l'Est les travaux de construction d'une usine de transformation d'engrais chimiques, un projet des investisseurs burundais. Le prix du kilogramme de graines de maïs stockées par le gouvernement est de 980 francs burundais, selon l'administrateur communal de Rumonge, alors que la production totale ayant été de 14 000 tonnes, tel que annoncé par le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni. Des élèves des écoles fondamentales 1 et 3 en commune Rugombo de la province Cibitoke sont rentrés précipitamment ce matin par peur d'être vaccinés contre le coronavirus. Le directeur communal de l'enseignement dit qu'ils ont eu plus peur que de mal à cause des rumeurs. Et dans le reportage du jour, nous irons à la rencontre d'une femme chef de zone en province Kayanza. La population de sa circonscription se réjouit de ses services. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le ministère de l'Énergie et des Minières assure qu'il ne ménage aucun effort pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement et de distribution des produits pétroliers. Dans un communiqué sorti ce vendredi, ce ministère reconnaît que cette chaîne est perturbée depuis une semaine à la suite de quelques problèmes techniques. Sans plus de détails, le même ministère interdit tout transport du carburant en fût ou en bidon, cela pour décourager les spéculateurs, précise le même communiqué. Je venais de vous le dire dans les titres, le président de la République du Burundi a commencé ce vendredi une visite de 3 jours en Tanzanie. Evariste Ndayishimiye va poser la première pierre pour la construction d'une usine de transformation d'engrais chimiques des investisseurs burundais. Avec son homologue Sania Suluhu Hassan, les deux présidents vont échanger sur l'état d'avancement de la mise en application des accords signés lors de la visite du président tanzanien au Burundi. C'était au mois de juillet cette année. Charles Makoto. Selon le communiqué du ministère des Relations extérieures en Tanzanie, durant cette visite de 3 jours, le président de la République du Burundi va inaugurer officiellement, dans la localité d'Onara, en province de Dodoma, les travaux de construction d'une industrie de fabrication d'engrais chimiques par les investisseurs burundais propriétaires de l'industrie Itracom. Le président Ndayishimiye va également, le port se trouvant dans la ville de Dar es Salaam, dans le but de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction d'un chemin de fer Dar es Salaam, Kuala Lumpur. Selon toujours ce communiqué, ce samedi, Evariste Ndayishimiye se rendra aux Zanzibar pour échanger sur les accords de coopération avec le président de cette île, Hussein Ali. Le soir du même jour, Evariste Ndayishimiye sera reçu en audience à Dar es Salaam par son homologue Samia Suluhu Hassan. Les deux autorités vont échanger sur l'état d'avancement de la mise en application des accords signés lors de la précédente visite du président tanzanien au Burundi du 16 au 17 juillet cette année, qui sont basés sur le renforcement des échanges commerciaux et l'investissement. Lors de cette visite du président tanzanien au Burundi, Samia Suluhu Hassan avait invité les investisseurs burundais à investir en Tanzanie dans les différents secteurs, à savoir l'industrie, l'agriculture et les mines, ainsi que le tourisme. Différents accords de coopération ont été signés entre les deux pays, surtout le renforcement de la sécurité sur les frontières communes afin de lutter contre le trafic des êtres humains et le commerce des armes légères. Cette visite du président Ndayishimiye est la deuxième en Tanzanie après celle effectuée le 19 septembre 2020. Merci Charles Makoto. Et des ruptures s'observent dans la distribution des engrais organominéraux en province de Muyinga, ce qui suscite des grognes parmi les agriculteurs non encore servis, surtout qu'on est en pleine période de semis. Jean-Marie Nimbéchao, chargé du stock d'approvisionnement de Muyinga, fait savoir que ce problème est dû au manque de carburant observé ces derniers temps, qui handicape le transport de ces engrais à partir de Bujumbura. Cependant, il affirme que d'un moment à l'autre, ces engrais pourraient arriver puisque l'usine FOMI en produit en quantité suffisante. Pierre Claver, Barundi. Les engrais FOMI se font de plus en plus rares dans certaines zones de la province de Muyinga, ce qui suscite des lamentations des agriculteurs. Ces derniers trouvent cette situation anormale, surtout en ce début de la période des semis. Je n'ai pas été servi. On m'a dit qu'il n'y a pas de FOMI. Voilà, j'ai 2 tickets pour 48 000 francs, c'est-à-dire pour 2 sacs d'engrais chimiques. Jean-Marie Nibéchard Chaho, chargé de la distribution des engrais FOMI en province de Muyinga, dit que ce problème n'est pas généralisé et évoque le manque de carburant de ces derniers temps qui handicape le transport de ces engrais à partir de Bujumbura. Certaines zones sont desservies, d'autres non. C'est lié au manque de carburant. Toutefois, il tranquillise la population et affirme que ces engrais peuvent arriver d'un moment à l'autre. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Isanganiro. Les élèves de l'école fondamentale, Rugombo 1 et celle de l'école fondamentale 3, commune Rugombo de la province Chibitoke, sont rentrés plus tôt que prévu ce matin et dans la précipitation. Ils disaient craindre une campagne de vaccination contre le coronavirus sur ces écoles. Les parents demandent plutôt aux responsables scolaires de les tranquilliser. Jérémy Sibomana, directeur communal de l'enseignement, dit qu'il s'agissait des rumeurs. Francine Ndiokougaï. C'était le matin de ce vendredi. Les parents des élèves qui fréquentent l'école Rugombo 1 et 3 disent avoir été surpris par des enfants qui rentraient avant l'heure. Et pour cause, ces enfants prétextaient fuir des gens qui allaient leur administrer le vaccin contre le coronavirus. J'ai vu les enfants des voisins rentrer en courant. Ils affirment qu'il y avait des personnes à l'école venues pour les vacciner. J'ai décidé de venir à l'école pour voir ce qui se passe réellement. C'est un problème sérieux parce que les enfants peuvent avoir un accident en cours de route. Les informations que nous devons à nos enfants disent qu'il y a des cartons à l'école contenant des vaccins contre le coronavirus. J'ai vu mon enfant rentrer en courant. Ça a suscité ma curiosité. Arrivé à l'école où il étudie, mes collègues éducateurs viennent de m'informer que cela n'a jamais eu lieu. Ce sont des rumeurs propagées ici et là. Le directeur communal de l'enseignement à Rugombo, Jérémy Sibomana, indique que ses enfants ont eu peur suite aux rumeurs. Tous les enfants ont quitté l'école après avoir vu des personnes qui sont venues à l'école pour voir les enfants. Après avoir vu ces personnes, les enfants, surtout les enfants de la première année et la deuxième année, ont quitté brusquement l'école en passant par les fenêtres. Les enfants ont eu d'arrière-tête qu'il y a des médecins qui peuvent venir à l'école pour injecter des médicaments de coronavirus ou faire des préventions de coronavirus. Ce sont des mensonges. Le DCE Rugombo prévoit une réunion avec les directeurs des écoles et des parents pour tranquilliser les enfants. Francine Ndiokougaï. 980 francs le kilogramme, c'est le prix que vont coûter les graines de maïs achetées à 680 francs burundais le kilogramme, puis stockées par le gouvernement burundais. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, l'a annoncé ce jeudi après des lamentations de certains des amateurs de ce produit qu'il manquait ou coûtait 1400 francs burundais en cas de disponibilité sur le marché central de Rumonge, d'où nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Les stocks de graines de maïs constitués par le gouvernement du Burundi peuvent être désormais revendus à toute personne qui le souhaite, comme le dit Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge. Le prix au kilo de ces graines de maïs stockées dans un hangar en zone gâtée pour le compte de la commune Rumonge est de 980 francs burundais, dont 970 rentrant dans les caisses de l'État et 10 francs burundais rentrant dans les caisses communales, selon cette autorité communale qui indique que l'achat est ouvert à tout le monde, commerçants et consommateurs, à la seule condition de payer le prix fixé. Les amateurs de ce produit, qui l'achetaient à 1400 francs burundais le kilo ces derniers jours, s'ils parviennent à l'avoir, poussent à nous de soulagement. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et le maïs, il en a été question à l'Assemblée nationale où le Premier ministre était invité. Les parlementaires sont revenus sur la production de maïs qui est de 14 000 tonnes selon le rapport présenté par le Premier ministre. C'était mercredi. Alain Guillaume Wignoni a parlé d'une triple affectation de cette production, dont un retour sur le marché pour équilibrer les prix du maïs. Et certains élus du peuple ont eu également des inquiétudes quant aux 300 millions destinés à l'achat des équipements des écoles à régime d'internat. Je venais de vous le dire, ce sont des inquiétudes qui ont été soulevées le mercredi lorsque le Premier ministre présentait le rapport semestriel de son gouvernement pour l'exercice 2020-2021. Alain Guillaume Wignoni a rassuré que ces équipements ont été achetés. Ces élus du peuple ont également émis des inquiétudes quant au récent recrutement des enseignants opérés au niveau communal. On fait le point avec Moïse Misago. Ce sont des inquiétudes du député Guikeke Pascal sur l'équipement des écoles à régime d'internat. Cet élu du peuple trouve que ces équipements n'ont pas été achetés alors que des fonds destinés à leur achat étaient disponibles. À cette inquiétude, le Premier ministre affirme l'achat de ces équipements scolaires, mais précise qu'ils étaient insuffisants. Alain Guillaume Bougnoni. Je vous informe que ces équipements ont été achetés et distribués selon les besoins des écoles. Ici à Bujumbura, certaines écoles ont eu, c'est difficile de trouver des équipements pour tout le pays. Quant au récent recrutement des enseignants qui était organisé au niveau des directions communales de l'enseignement, le député Ildefonso Baganini Imba estime que le recrutement des enseignants devrait être fait par la commission nationale qui était chargée de cette mission. Le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni n'est pas de cet avis. Selon lui, au niveau communal, c'est facile de trouver des solutions aux problèmes qui se manifestent ainsi que d'éviter des pots de vin. Ici, on ne peut pas reculer, on s'est dit gouvernement, car le recrutement se faisait au niveau national. C'était difficile que la commission trouve des enseignants qui peuvent travailler proche de leurs lieux de naissance. Deuxièmement, il y avait des points de vue et du favoritisme. C'était difficile de voir la clarté des listes. Le chef du gouvernement trouve plutôt qu'il faut prendre des mesures de rendre transparent le processus de recrutement et d'éviter des irrégularités. Merci Moïse. Parlons maintenant infrastructure. Cela fait déjà plus de 3 ans que les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Manda en province de Ouanza sont suspendus. Et certains s'interrogent sur ce qui devrait suivre. Après la descente sur terrain du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, qui est rentré très déçu, indiquant que les travaux réalisés ne correspondent en aucun cas au fonds que le gouvernement a décaissé pour construire ce barrage qui allait donner 10,4 MW. Évariste Nzikobanyanga revient sur ces travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Omanda. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Omanda à la sortie de la Kibira en province Bouvanza ont commencé en 2011 et ont été interrompus en 2017 selon les informations fournies par le ministère de l'Énergie et des Mines. Selon les mêmes informations, la société chinoise Ciment International qui était chargée de la construction du dit barrage ayant manqué des fonds. Entre-temps, en date du 24 janvier 2018, l'espoir avait été donné par le porte-parole du ministère en charge de l'énergie et des mines que les travaux de construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Manda allaient reprendre mais en vain. Trois ministres du gouvernement, dont celui de l'énergie et des mines d'alors, Koman Rakiza, et celui des finances, Domitien Dihokugayo, ont effectué une descente le 20 avril 2016 pour s'enquérir de la situation. Et l'état d'avancement des travaux était estimé à 35%. Le 15 octobre de cette année, le chef de l'État a visité le chantier de cette centrale hydroélectrique de Manda, interrompue il y a environ 3 ans, et est rentré déçu après avoir constaté que les travaux réalisés ne correspondent pas à la somme d'argent déjà débloquée. Il a pour ce demandé au ministre en charge de l'énergie de lui transmettre dans 2 semaines un rapport sur les contraintes rencontrées dans la construction du dit barrage dont les travaux étaient réalisés à 47% et ont coûté une somme de 54 milliards de francs burundais. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Ombanda étaient estimés à 85 milliards de francs burundais d'après les prévisions budgétaires. Cette centrale, une fois achevée, aurait une capacité de 10,4 MW et était en train d'être construite dans le cadre d'un programme vaste de production de l'énergie, tout comme d'autres barrages comme Djidjimouremgué et Kaburanwa qui sont en train d'être construits. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h12 à Bujumbura. Je vous parlais dans les titres d'une femme qui assure des responsabilités administratives comme toute autre personne. Et c'est Jeanne-Marie Aïchakiye. Elle est chef de zone de Nyabibouye de la commune Boutaganzoua en province Kayanza. Et certains des administrés apprécient son dévouement dans l'accomplissement de ses tâches, surtout dans la résolution des conflits liés à la polygamie. Lydie Gahimbare l'a rencontrée. Nous sommes dans les marins vers la colline Chembati de la zone Nyabibouye en commune Boutaganzoua de la province Kayanza où se trouve le pont qui est détruit. Jeanne-Marie Aïchakiye, chef de zone, est sur terrain avec des administrés pour le travaux de reconstruction de ce pont. Après cette activité, cette administrative s'est adressée également sur la colline Chembati pour les travaux de traçage des courbes de niveau pour éviter l'érosion. À côté de ces travaux manuels, le chef de zone, Nyaibouye, s'occupe également des questions d'ordre social, comme la lutte contre la polygamie, comme le confirment certains habitants de cette zone. Franchement, elle est courageuse. Si on l'appelle, elle intervient rapidement. Si c'est la question de la polygamie, elle met de l'ordre en donnant la valeur à la femme légale, comme l'indique la loi régissant le code du bien-être de la famille. Cette femme montre toujours du dévouement dans ses préoccupations. Elle s'est impliquée dans l'enregistrement à l'état civil des couples mariés illégalement. Chaque chose a son temps. Je dois me consacrer, même si on m'appelle pendant la nuit, je demande l'appui à mon mari pour s'il peut m'accompagner. Je dois y aller. J'ai fait des sensibilisations jusqu'à ce que tous les couples illégaux s'enregistrent à l'état civil. Par exemple, sur cette colline, on avait 50 couples illégaux, mais actuellement, ils se sont mariés légalement, même les bateaux. Zone Nyabibouye est une des 29 zones de la province Kayanza dirigée par une femme. C'était un reportage de Lydie Gahimbare dans le reste de l'actualité nationale et internationale. En bref, un corps d'un homme a été retrouvé dans le quartier Mugomere de la ville de Rumonge ce vendredi matin. Le défunt, identifié comme étant un journalier habitant ce quartier, n'avait aucun signe d'agression sur son corps à part une bouteille de boisson dénommée Akuki. Selon Melchior Hakizimana, commissaire provincial de la police de Rumonge, qui informe que des enquêtes se poursuivent pour tenter de retracer les circonstances de sa mort. Et au Mali, le gouvernement demande avoir mandaté qui que ce soit pour dialoguer avec les groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Ni le Conseil islamique, ni aucune autre instance, dit le communiqué qui indique tout de même prendre acte des bonnes volontés, se sont manifestés pour mener des négociations. Au début de la semaine, plusieurs sources, dont le ministère des Affaires étrangères, des Affaires religieuses pardon, et le HCI, avaient pourtant confirmé cette mission de bons offices. Et hors du continent africain, 15 personnes sont mortes et d'autres portées disparues dans l'incendie d'une usine de fabrication d'explosifs dans la région de Ryazan, dans le centre de la Russie. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le ministère russe des situations d'urgence. Un incendie qui a éclaté à l'issue d'un processus technologique, a précisé le ministère dans un communiqué. Et des assaillants ont tué vendredi au moins 7 personnes dans une attaque visant un séminaire islamique d'un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie. Certaines victimes ont été tuées par des tirs, d'autres ont été poignardées. C'est ce que raconte l'AFP à l'AFP en chef de la police régionale. Ces meurtres interviennent alors que les tensions montent après le meurtre d'un chef Rohingya dans un camp il y a 3 semaines. Enfin, le président américain Joe Biden a affirmé jeudi que les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque de la Chine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire. Oui, nous avons un engagement en ce sens, a déclaré le chef de l'État lors d'un échange retransmis sur CNN avec des électeurs de Baltimore. Les États-Unis et la Chine s'opposent frontalement sur beaucoup de dossiers, Mais la question taïwanaise est souvent considérée comme la seule susceptible de provoquer une confrontation armée. Taïwan a son propre gouvernement depuis la victoire des communistes sur la partie continentale de la Chine. C'était en 1949, mais Pékin considère son territoire comme une de ses provinces et menace de recourir à la force si l'île proclamait formellement son indépendance. Le président chinois Xi Jinping a toutefois réaffirmé récemment sa volonté de parvenir à une réunification pacifique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.